Chapitre 8. Finesse d'ours blanc. L'ours est sournois, défiant et rusé. On cite de lui des traits de finesse auxquels on ne s'attendrait pas de la part de ce lourdeau de forme si grossière. Mais l'œil petit, pétillant de malice, en révèle long. L'ours était résolu à s'emparer de Mademoiselle de Pellouère. Il voulait pour lui seul la rançon. Pour cela, il devait rester seul, alors que les camarades se rendaient à l'île de Banks pour négocier. Pour ne pas exciter les soupçons, il se plaignit de douleurs intolérables dans la tête et se coucha, geignant et tremblant la fièvre. Une comédie. De temps à autre, il se levait comme fou et courait en proie au délire. Les deux Indiens parvenaient difficilement à le calmer et à le recoucher. Quand ses camarades le questionnaient, il répondait que la prisonnière lui avait cassé quelque chose dans la tête. Parfois, il divaguait si fort que l'on craignait qu'il ne devînt fou. Ce massif personnage fut un acteur hors ligne dans ce rôle. Au bout de 2 jours, tous les préparatifs de la troupe étant faits, Nilsson et les autres commencèrent à s'impatienter. L'ours ne guérit pas. « Guérira-t-il l'ours ? Pour moi, il est fou. Sûr, il lui en restera toujours quelque chose et il ne sera plus qu'une tête fêlée. Laissons-le ici. Qu'en ferions-nous ? Intransportable, l'ours. Nous ne pourrions attendre. Les Indiens le soigneront. Nilsson, allez lui parler. » Nilsson accepta la commission. Il se rendit donc auprès de l'ours. Celui-ci s'attendait à la visite. Il gémissait. « Nilsson, ah, Nilsson, j'ai dans la tête 100 marteaux frappant sur 100 éclumes. Quel vacarme! Elle se démolit ma tête. Si cela continue, d'un bon coup de revolver, je la fais sauter. »« Pas de bêtises, vous guérirez. » »« Mais quand? Ça empire, loin d'aller mieux. » Patience. Vos Indiens vous soigneront bien du reste. Au retour, nous vous trouverons guéri. Vous partez? Il le faut. Vous m'abandonnez? Mais non. On vous laisse tout ce dont vous avez besoin, chevaux, provisions, etc. Si vous êtes plus malade, vos Indiens vous conduiront dans un fort. On vous y recevra. Jamais on ne repousse un malade. L'ours s'abîma dans un morne et profond désespoir. « Je me tuerai, » gémit-il. « Je ne veux pas vivre à votre abandon. Partez donc, je suis un homme mort. » « L'ours, pas d'enfantillage. Je vous le répète, ce n'est pas un abandon. Que diable, un homme auquel on laisse 3 chevaux, des armes, des vivres, 2 serviteurs, n'est pas abandonné à peu de distance d'une tribu et d'un fort. » « Partez donc. Moi, je me ferai porter au fort lié sur mon cheval, car je tomberai. » « Je crois en effet que c'est ce que vous avez de mieux à faire. » Et Nilsson s'éloigna. Il se disait en souriant. « Timbré, l'ours! Sûrement quelque chose de dérangé dans la cervelle, et ça ne se remettra pas. » Mais pourquoi Nilsson souriait-il? Parce qu'il pensait que l'ours ne serait pas en état de réclamer sa part de la rançon, ce qui était autant de gagner. Entre honnêtes gens, il rendit compte à ses camarades. « Partons !» Ce fut le cri commun, on troussa bagage. Cependant, un à un, ils allaient dire adieu à ce pauvre ours. Lui grognait, on y prenait garde. Simple formalité, cet adieu. Et les voilà partis, enchantés d'être débarrassés du malade. « Bon voyage !» Au bout d'une demi-heure, l'ours appela. « Loup blanc, ici !» Un Indien accourut. « Maître ?»« Monte à cheval !» « Va en reconnaissance, tu me diras s'ils sont bien partis. » Le loup blanc obéit. Parti à fond de train, il revint à fond de train et dit « Maître, ils sont déjà loin, leurs chevaux vont au trot. » L'ours blanc, au grand étonnement de ses sauvages, se leva. Il arracha compresse ses bandes et se mit à gesticuler et à danser. Il criait « Partis, ils sont partis, les imbéciles! À moi, la fille! Ah, je l'aurai! Je vais tendre un piège, moi !» et je lui en dresserai un dont le plus subtil sauvage ne se défierait pas. Oui, je la piégerai. » Il se mit à dévorer un gigot de daim qu'il mangea tout entier. « Quelle rude diète j'ai dû faire » s'écriait-il en mettant les morceaux doubles. Quand il eut fini, il fit lever le camp à ses Indiens. ils montèrent à cheval tous les trois, se rapprochant du camp des Sioux. De ce jour, un grand danger planait sur Mademoiselle de Pelouert.